Le porte-parole du comité de la réunification pacifique de la patrie a publié le 30 juin une déclaration qui dit notamment « La grande réussite au lancement de la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée façon 10 qui a manifesté parfaitement le grand potentiel de défense nationale qui se développe tous les jours de façon extraordinaire est le résultat grandiose de la volonté indomptable et de l'esprit de se renforcer soi-même de nos militaires et civils décidés à supprimer tous ceux qui osent porter atteinte à la dignité et à la sécurité de la nation, quel que soit leur abri sur la planète, et un événement majeur à marquer à jamais dans l'histoire de la nation. » Devant cet événement spectaculaire qui a contesté à nouveau la vérité selon laquelle la Corée applique sur place tout ce que décide le Parti du Travail de Corée, le monde entier lance les admirations. Développement fondamental de l'optimisation de la capacité nucléaire, manifestation de la technique de lancement au degré et à l'angle élevé sans précédent, et événement décisif qui a changé complètement la structure stratégique dans la confrontation coréo-américaine, et la nation coréenne est à l'apogée de sa fierté. Mais les États-Unis invétérés dans l'esprit d'hostilité contre notre pays parlent de nouveau de violation de la résolution de l'ONU et de provocations importantes contre la paix, alors que leurs satellites, les réactionnaires japonais en premier lieu, s'y joignent tous ensemble. La bande de Pakonais, habituée à la méchanceté aussi, se conduit irraisonnablement en lançant des propos désespérés au lieu de partager la joie de la nation. Nous avons donc à mettre des choses au clair aux États-Unis et à leurs remarques comme Pakonais et d'autres qui se conduisent de façon insensée sans voir la réalité, car le destin et l'avenir de notre nation connaissent un changement radical, tout comme le courant de l'ensemble de la situation. La grande réussite à la fusée façon 10 est un événement de grande portée qui a proclamé par la pratique le perfectionnement des préparatifs de la première frappe nucléaire de notre pays basée sur la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée et le changement radical du courant de la situation dans la péninsule coréenne. Jusqu'à présent, la situation de la péninsule coréenne était caractérisée par les menaces et chantages nucléaires unilatéraux des États-Unis et de leurs alliés, décidés à dompter notre république et à en faire le tremplin de la domination en Asie-Pacifique, et par la tension militaire continue due à leurs manœuvres. L'achèvement des préparatifs de première frappe nucléaire est basé sur la détention nucléaire et la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée n'est point un marchandage fabriqué pour la renaissance de certains pays et un certain préalable d'une négociation. Que l'on nous reconnaisse ou pas, nous sommes détenteurs nucléaires des bombes miniaturisées, légères et multifonctionnelles et une digne puissance militaire dotée même de la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée à la coréenne. Les États-Unis et la bande de Pakonais ne doivent pas agir à la légère en regardant clairement la réalité évidente marquée d'un changement fondamental. La grande réussite à la fusée façon 10 est l'avertissement lancé par notre armée et notre peuple aux États-Unis et à la bande de Pakonais qui vont à l'encontre du camp général de bien savoir la position stratégique changée de leur adversaire et de faire un choix correct à ce moment important. À l'heure actuelle où le renforcement de notre capacité nucléaire à un niveau élevé est prouvé par la réalité et que notre République se place avec dignité au rang de superpuissance reconnue par le monde entier, la vue stratégique et l'orientation de la politique des États-Unis et des pays voisins à notre égard doivent connaître un changement fondamental. Sans plus tarder, les États-Unis sont tenus de bien voir l'essentiel des changements de notre statut stratégique et de la situation et de faire un choix efficace. Les autorités sud-coréennes doivent prêter l'attention particulière à notre conseil suivant. La dernière occasion de remodeler le sort disparaîtra à jamais si elles ne prennent pas notre main de bonne volonté tendue pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la réunification en appelant à devenir partenaire pour la réunification de la patrie et le façonnage du destin de la nation sans égard à leurs antécédents.